Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. Nouvelle playlist, nouvel invité, nouveau titre ou presque. Presque parce que vous allez rapidement comprendre le lien étrange qu'il a lié avec nos précédents invités. Elle nous a préparé une playlist très très 70s mine de rien. Nous sommes le 27 novembre 2015 et c'est parti pour la playlist d'Anasclepios. Alors comment ça va ? Alors ça va très bien, tu viens d'écorcher mon prénom, mais ça va très bien. Ah, c'est quoi alors? Alors, dis IJ, ça sera plus simple, parce que Anasclepios, tu vas galérer. J'ai pas dit, j'ai mal dit Anasclepios. T'as dit Anasclepios, t'as zappé le L. Anasclepios. C'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Bordel de merde. Ouais, non mais si tu me fais rire, la violeur, ça fait dur. Ah mais on va se taper dessus pendant une heure et demie, ça va être formidable. Qui va céder en premier? Attention, le suspect. Je gagnerai au montage. Non. On va commencer avec un solo tiré d'un duo célèbre mais qui est en solo quand même. On va écouter Bright Eyes de Art Garfunkel sur l'album Fate for Breakfast, sorti en 1979. Non mais vraiment, espèce de sans-cœur. Je sais. Bon alors, enfin tu nous expliques. Tu fais partie de la coalition SCG, je crois. Tu crois? Alors c'est quoi cette coalition? Alors, c'est juste des gens très bien qui sont regroupés autour d'une même cause, qui est... la mise en place de Simon & Garfunkel au pouvoir pour pouvoir conquérir le monde de leur musique. Voilà, c'est un projet tout simple comme ça, mais ça va nous demander du travail et on est bien motivés. Non, je trouve cette initiative absolument ridicule, on va pas pourrir toutes les playlists avec que du Simon & Garfunkel. J'ai fait un très gros effort parce que je me suis justement mise au défi de ne pas mettre du Simon & Garfunkel, mais que du Garfunkel. Bon, j'avoue que le défi n'était pas immense, étant donné que j'écoute autant du Simon & Garfunkel que du Garfunkel solo. Donc, c'était une sorte de mini-défi, mais je me suis dit que comme ça te changera un petit peu. Et tu peux me remercier par avance, parce que j'ai essayé en tout cas de ne pas mettre des artistes que tu avais déjà eu plein de fois auparavant. Mais tu avais le choix tant que c'est pas encore les mêmes ou en double ou en triple ou en quadruple. Enfin bon bref. Pourquoi Bright Eyes? Pourquoi Art Garfunkel? Alors pourquoi Art Garfunkel? Ah tu vois je galère aussi. Pourquoi Blabla. Garfunkel? Parce que Simon & Garfunkel. Et pourquoi Simon & Garfunkel? Parce que c'est génial. Tout simplement. On va pas essayer de débattre là-dessus avec des grandes philosophies, c'est juste, enfin, c'est fabuleux. Moi personnellement, j'ai découvert cette musique, enfin, ce style et ce groupe en cherchant la musique du film La Chèvre. Et cette musique, on entend en fait une flûte de Pan, et en cherchant cette musique, je suis tombée justement sur Simon & Garfunkel pour El Condor Pasa, qui est d'ailleurs passé dans la playlist la dernière fois, et c'est de là que j'ai découvert Simon & Garfunkel, et donc après Garfunkel solo. J'ai pas choisi, même si c'est pas l'envie qui m'en manquait, une musique du duo, mais juste Garfunkel justement pour pouvoir changer, et aussi parce que la voix de Garfunkel est juste à mourir, tout simplement. Donc tu as connu ce groupe en cherchant la chèvre et la flûte de Pan. Alors, oui, voilà, c'est à peu près ça. J'étais jeune à l'époque, hein. J'étais très jeune, contrairement à maintenant. Je suis une personne âgée, respectez-moi s'il vous plaît. Non, mais j'étais très jeune, j'avais même pas 10 ans, hein. Vraiment, j'étais très jeune, mais j'ai toujours connu, aimé et regardé des vieux films. Comme je viens de te dire, je suis une personne âgée. Et c'est vrai que ma culture cinématographique a commencé avec Papy fait de la résistance, La Septième, La Grande Vadrouille, oh tous là les là films, là tous là les là films comme La Chèvre. Mais je meurs de rire devant ce genre de film, je trouve ça juste exceptionnel. Et très souvent, j'adore les musiques de ces films-là. C'est comme... c'est comme les autres musiques qu'a pu faire Vladimir Kosma, vu que c'est lui qui a fait les musiques de La Chèvre en l'occurrence. Mais toutes ces musiques, j'adore. C'est comme un autre titre qui est. Ça me revient pas, tant pis. Mais c'est comme toutes les. C'est comme. Je trouve que les musiques des films. Les années 60, 70 sont juste excellentes, que ce soit des films français, justement comme ceux que j'ai cités auparavant, La Septième, même Le Gendarme du Saint-Tropez. J'adore ce. Enfin, j'entends ces musiques-là, mais j'ai une sorte de sursaut qui me dit oh là, il y a le film qui passe, je dois le regarder. C'est comme un appel, si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai découvert Simon & Garfunkel. C'est pas commun, je te l'avoue. Oui, le lien n'est pas tout de suite super évident comme ça. Mais toujours est-il qu'une fois que j'ai découvert, grâce donc à El Condor Pasa ou If I Could, comme tu l'as appelé dans la dernière playlist, eh bien je n'ai plus décroché depuis. Et j'en suis toujours aussi fan, que ce soit de Simon & Garfunkel ou de Garfunkel solo. Parce qu'il faut quand même avouer que sa voix est à tomber. Et les musiques aussi. Mais comment c'est possible? C'est trois playlists et toujours le. C'est pas possible. Mais pourquoi? Je n'ai pas fait le duo, je refuse que tu dises ça. Je t'ai arrangé justement en ne mettant que Garfunkel. Oui, mais c'est quoi même. Tu peux m'en être reconnaissant. Oui, mais c'est un demi-duo. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, plus tard, pourra remettre un demi-duo par la suite. C'est bien. Bon, ça peut déjà pervertir le futur, c'est dégueulasse. Et j'incite toutes les personnes qui font la playlist à placer un morceau de Simon & Garfunkel, quels que soient vos goûts musicaux. Non, ce sera censuré. Quels que soient vos goûts musicaux, vous pourrez placer un titre parce que leur style est quand même assez accessible à tous, on va dire. Il y a différents. Enfin, chaque musique est unique et vraiment, ça doit parler. Au moins une de leurs musiques doit parler à tout le monde, quoi. J'entends déjà Neto Fox et musique qui s'unissent dans un cri génial qui fait oui, mettez du Simon & Garfunkel après. Mon Dieu. Nous allons pervertir tes futurs intervenants. C'est horrible. Alors pourquoi cet album-là aussi? Parce que je suppose qu'il n'en a pas fait qu'un seul. Non, loin de là. On va pas tous les passer en revue, c'est possible, mais. Pourquoi celui-là alors? Ben, en fait. J'ai très longtemps hésité. Alors je t'avouerai que au niveau titre, j'ai hésité entre Bright Eyes ici et aussi une que j'adore qui est All I Know. Et celle-là, All I Know, je me suis dit je vais peut-être pas la mettre parce que si je la mets, je vais risquer de commencer à pleurer. Donc, je vais éviter. Mais non, vraiment, All I Know, c'est vraiment une musique qui touche, qui est juste super bien chantée. Elle est vraiment magnifique, cette chanson. Et donc, du coup, entre les deux, eh bien, j'ai mis Bright Eyes. Je pense que c'est quand même une de mes préférées. Enfin, oui, c'est une de mes préférées de Garfunkel. Et voilà, je l'adore. Après, oui, j'ai aussi pensé à ça pour pouvoir dévier parce que 10 titres, c'est de la torture et ce n'est pas assez. Donc. C'est fait exprès. Il faut choisir. Je sais, mais justement, j'ai eu mes petits trucs pour pouvoir essayer de parler de plus de musique. tout simplement pour placer le fait que j'ai pensé à cette musique-là quand j'ai fait ma playlist, parce que il y a une autre chanson qui s'appelle aussi Bright Eyes, mais qui n'est pas du tout dans le même genre, étant donné qu'elle est du groupe Blind Guardian. Et c'est pas du tout le même style, mais la raison pour laquelle j'y ai pensé, c'est parce que mes frères ont des goûts musicaux assez opposés aux miens, qui sont vraiment plus dans le bon gros hard rock, le métal, vraiment, c'est les métalleux par excellence. Du coup, j'y ai pensé avec justement ce double titre. Et voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Et au final, Simon Garfunkel, c'est une histoire d'amour. Ah oui, et qui dure depuis déjà très longtemps et qui durera toujours. C'est mignon. C'est mignon. Pas croyable. on va maintenant aller partir en direction du Canada pour retrouver non pas Céline Dion. Non. Heureusement, non. Tu as du goût quand même. Non, hein. S'il te plaît, ne me fais pas venir, s'il te plaît. Oui. Non, mais Neil Young avec After the Gold Rush sur l'album du même nom, After the Gold Rush. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare. Bon, alors pourquoi Neil le jeune? Alors pourquoi Neil le jeune? Parce que je me suis dit qu'il serait important, parce que je pense que c'est aussi important avec la playlist, de faire découvrir, et bon, c'est pas en plaçant certains des artistes que j'ai placés que je ferai découvrir beaucoup, mais je vois souvent quand je parle de musique avec les gens autour de moi, enfin, ce qui est assez rare parce que je suis un peu prise pour une vieille attardée qui n'a pas bougé des années 80. Et du coup, quand je parle de Neil Young, les gens sont assez étonnés, un peu, enfin voilà, un peu perdus. Il n'a pas tant que ça, c'est ce qui m'étonne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Neil Young, et du coup je me suis dit c'est une bonne After the Gold Rush est un bon titre pour faire découvrir aux gens son univers et sa très jolie voix. Mais ça fait partie de ces chanteurs, on va dire, j'ai une grosse connerie, un chanteur vocal. Donc, dans ce titre là on a l'impression qu'il chante un peu faux. Mais une voix un peu cassée. Moi, je dirais une voix un petit peu cassée, mais je trouve que ça va bien avec la... Comment dire ? Je trouve que ça va bien avec la chanson. Je trouve qu'une voix hyper cristalline sur cette musique, ça n'aurait pas donné pareil. Je suis assez d'accord là-dessus, mais ça fait partie de son univers, je trouve, et pour cette musique-là, je trouve que ça va très bien. Et je dois avouer que c'est vrai, je suis pas très, très objective quand on parle de Neil Young, parce que c'est aussi quelqu'un que je défends pour son implication. Tu l'as connu quand tu as commencé à écouter la soupe aux choux, non? Non, mais tout de suite. Alors, moi, Neil Young, quand est-ce que j'ai connu? Alors, Neil Young... C'est quelqu'un qui m'en a parlé quand j'écoutais du Bob Dylan. Je m'en souviens encore, on était... où est-ce qu'on était? On était à l'école, enfin au collège en l'occurrence, et donc j'écoutais du Bob Dylan, et de là, il y a quelqu'un qui m'a dit tu t'écoutes justement Neil Young, et je me suis retrouvée un peu bête. Bon, vu l'âge que j'avais, pas avoir l'air si bête que ça. Du coup, oui, il m'a demandé si je connaissais Neil Young, et c'est de là que j'ai commencé à chercher ce cher monsieur, et c'est de là que j'ai commencé à très fortement apprécier. Mais il souffre. Mais il souffre. Faut l'achever. Non, mais ça, cette chanson-là, elle est assez... Enfin, je trouve qu'elle a un beau message, cette chanson. Enfin, je trouve qu'elle est très bien écrite et elle raconte son histoire et j'aime beaucoup. Mais c'est quoi cette histoire? Parce que After the Gold Rush, peut-être un peu un vieux machin, mais qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans cette chanson? Mais je trouve que ça fait vraiment, c'est de là aussi, oui, l'application, comme j'avais parlé tout à l'heure et que j'ai oublié, l'application un petit peu où on sent son côté un peu écologique quand même à Neil Young, notamment dans cette chanson, parce qu'il fait vraiment, comment dire, il montre vraiment le danger. Le danger de la grosse pollution, de la destruction, enfin, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, et du fait que si c'est détruit comme ça, le seul moyen ce sera de quitter tout et d'embarquer pour un autre chose, parce que il n'y aura plus rien et qu'on aura tout saccagé. Et, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, cette chanson. Je ne sais pas si c'est le cas, mais par exemple là, dans la chanson il dit look at Mother Nature on the run, donc regarde Mère Nature qui court en fuite, et c'est, comment dire, c'est assez prenant et je trouve que ça raconte bien cette histoire, son implication quand même au niveau de l'impact du comportement humain sur cette pauvre nature. Et je trouve ça beau, un petit message comme ça, une chanson qui raconte des choses, je trouve ça très bien. Un peu écolo le Neil Young en fait. Ah ben pour moi oui. Oui, c'est quelqu'un qui prend parti et qui a qui est écologique en tout cas. En tout cas c'est dans ce qu'il dit, tu le sens écologique, et il me semble même qu'au Canada, il a donc un peu cette réputation-là. Et je crois qu'il ne s'en cache plus non plus, parce que notamment, il a sorti un album qui est plus récent que celui-ci, où là, ça se voit vraiment beaucoup plus son implication écologique. Je crois que c'était un petit message sympa à passer. Tout ça, ça me paraît un peu inédit, enfin inédit. Bon, pas de culture musicale, bon, vous allez me dire, oui, mais 1970, déjà un message écologique comme ça. Bah, je ne l'invente pas, tu as bien entendu les paroles. Regarde Mère Nature en fuite dans les années 70, c'est les paroles mêmes, traduites évidemment, mais c'est les paroles. Neil Young, c'est pas un hippie quand même. Non, il me semble pas. Enfin, pour moi, non, c'est pas un idée. Mais il a toujours eu cette implication écologique, et on sait quand même que la pollution. On sait quand même que la pollution, ça ne date pas d'hier. Et déjà dans ces années-là, on voyait l'impact. On s'en est très vite rendu compte qu'on était en train de bousiller notre chère nature. J'ai l'air un peu d'une écolo extrémiste. On dit pas ça. Je ne vais pas dire jamais secours. mais ouais, on sent déjà cette implication. Et je trouvais ça intéressant, parce que bon, c'est sympa comme petit message à faire passer, pour montrer que déjà à l'époque, ils voyaient ce qui se passait, et que déjà à l'époque, ils essayaient de faire bouger les choses, même si encore maintenant, c'est pas facile. Mais je crois qu'il va falloir beaucoup plus qu'une chanson pour faire bouger les choses. Ouais, mais des fois, ça peut ne serait-ce qu'interloquer certaines personnes. Et grâce donc à cette chanson... Oh non, je suis une campagnaire. De la campagne. Ah, je suis de la campagne, mon gars. Hein. Jean de la ville. Ah, Jean de la ville, je connais pas. Donc, tu viens de nous faire une petite description. Tu es une vieille de la campagne. Absolument. Qui était à l'école il y a longtemps. Je me décris souvent comme... enfin, en tout cas, ma perspective d'avenir proche, en l'occurrence, est à peu près la folle au chat dans les Simpsons, mais qui habiterait dans une grotte. Mais t'as combien de chats, alors? Parce que la folle au chat, on a beaucoup. J'ai une armée de chats. D'accord. Okay. Les chats, c'est des cons. Non, c'est pas vrai. Les chats, c'est la vie. C'est trop nul, les chats. Non, c'est pas vrai. Ça sert de bouillotte, c'est trop agréable, c'est tout doux et ça rend grave. Bon, je vais pas chercher à me battre, ça sert à rien. Bon, on va avancer un petit peu dans le temps. On va aller jusqu'aux années 80, parce que les années 80, c'est vachement bien quand tu nous tiens. Film mythique parmi les mythiques, ce soir nous sommes en mission pour Dieu avec Shake Tailfeather de Ray Charles dans le film The Blues Brothers. I don't think there's anything wrong with the action on this piano. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. Là, je l'ai mis fort, hein, je suis désolé. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have been, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Alors, pourquoi celle-là? Bon, oh, j'ai envie de dire, que... bon, moi je valide totalement. Bah, voilà, pourquoi me demandes-tu pourquoi? Je ne comprends pas ce pourquoi, enfin. Mais parce que. Comment dire? Alors, oui, parce que j'ai une raison toute simple. Je voulais absolument parler de Ray Charles et je voulais absolument parler des Blues Brothers. Et voilà comment j'ai réussi à gratter. On va dire un artiste de 10 artistes imposés. Voilà comment j'ai réussi. C'est donc grâce à cette magnifique version de Shake It All Over qui est juste excellente. Et personnellement, moi, t'as mis la musique, je commence à bouger. Mais c'est entraînant, ça respire la joie de vivre. Oh, t'as un coup de blues sans mauvais jeu de mots. Si t'écoutes ça, mais ça y est, c'est la joie, quoi. C'est génial, c'est Ray Charles, c'est Jake et Elwood, pardon. C'est juste génial, quoi. Bon, alors, autant vous dire, on a enregistré assez tard le soir, je pense qu'aucun de nous deux a des lunettes noires. Mais je pense qu'on est à peu près défoncé aussi. Est-ce que t'auras du pain de mie, s'il te plaît? Je peux aller en chercher, si tu veux. De pain de mie grillé, s'il vous plaît. Ah non, pour Aretha Franklin, elle reprend sur la musique. Bon, Blues Brothers, film mythique, ça, oh, d'accord. Oh mon dieu, ce film. Ah, ça, c'est pareil, c'est comme cette musique. On a un plus gros coup de blues qui ne peut pas être réglé juste par la musique. On regarde le film, comme ça, on entend en même temps James Brown, on entend en même temps Everybody Needs Somebody, on entend aussi Stand By Your Man, et ça y est, ça va mieux. On se paye une bonne tranche de rire et aussi des tranches de pain de mie. Je suis désolée, il est tard. Mais comment tu l'as connu, ce film? Alors, comment j'ai connu ce film? Parce que ta compagne, comment ça se fait? Dans ma compagne, en fait, j'ai quand même un ordinateur et... j'ai mis... J'ai eu accent nul, je suis désolée. Oui, je suis désolée aussi pour le mien. J'ai pas trop un accent. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Et donc, ce film, j'ai dû le connaître tout simplement. Je crois que je l'ai pas. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu aller le voir au cinéma étant donné que je n'étais pas encore née en 1980, qui est très malheureux, j'aurais aimé. Mais non, j'ai dû le voir, il a dû passer. Sincèrement, je me demande même. Je pense qu'il a dû passer à la télé, que je l'ai vu et que j'en suis tombée amoureuse. Ça doit être ça, c'était pas chez moi, mais je me souviens de voir chez une tante et tomber tout simplement amoureuse de ce film, qui est juste drôle, génial, entraînant, parfait, et surtout très, comment dire, très rare. Il n'y a pas, même quand j'y repense maintenant, même avec les nouveaux films, etc., c'est vraiment un film à part. Et c'est juste génial. Alors pourquoi celle-là, Shake It All Over? Parce qu'il y a quand même un petit peu beaucoup, beaucoup de chansons dans les Blues Brothers. Ah, c'est vrai. Alors, pourquoi celle-là? Alors, j'avouerais qu'entre... Enfin... À vrai dire, entre... entre celle-ci et Everybody Needs Somebody, je ne vais pas te mentir, ça s'est joué à pile ou face. Tout simplement. Oh, c'est petit. Ah oui, ça, c'est très petit, mais tu m'excuseras, c'est pas possible. Parce qu'on peut même faire une playlist, tout simplement, des musiques du film The Blues Brothers. Parce que, voilà. Mais celle-ci, vraiment, je trouve que vraiment, elle est très entraînante. Et puis même la scène à laquelle elle est interprétée, la scène du film est drôle, elle est... Enfin, c'est entraînant. Et puis j'adore Red Charles, quoi. Peut-être, ouais, c'est peut-être ça aussi qui a fait que je l'ai sélectionné dans les deux dernières du film avec Everybody Needs Somebody. C'est que Red Charles, voilà. Parce que c'est excellent, c'est entraînant. Oh, tu mets rien que les premières notes, tu sens déjà que t'as le rythme dans la peau, tu te dis, ça y est, tu défoules, ça y est, tu danses directement. Je vais faire quelque chose d'inédit dans la playlist, je vais remettre le titre. Oh oui, les mêles à fond. Non, si je me souviens bien, ça se passe dans une boutique d'instruments. Exactement. Et donc, ils sont en train de se rendre compte qu'apparemment, bah, je sais pas, c'est bizarre, le piano marche pas. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est Jack et Elwood qui essaient de reconstituer leur groupe. Et donc, ils essaient de retrouver quelques petits instruments. Et le souci, c'est que Red Charles en demande un bon prix. Et donc, pour essayer de gratter en même temps, il ne marche pas bien ce piano. Et puis Red Charles a dit « Comment ça, il marche pas bien, je vais te montrer, gamin. » Et il y va, et il fait ça, et c'est juste « Oh là là, quoi !» C'est juste magnifique. C'est extrêmement entraînant. Puis même là, tu vois, on peut pas s'empêcher de bouger quand on entend cette musique. C'est juste magnifique, quoi. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des boîtes. S'il y avait des boîtes de musique comme ça qui diffuseraient ce genre de musique constamment, eh bien, là, j'irais. Tant que ça reste du David Guetta, personnellement, je n'y mets pas un pied. Non, mais cette musique-là, en boucle, au bout d'un moment, on va s'en lasser. Faut qu'elle reste un peu exceptionnelle. Ah, je sais pas. Personnellement, tu mets juste du café ou du jus d'orange à côté pour être sûr de recharger les batteries et c'est bon. Ah, tu me mets ça, mais pendant une heure, je bouge pendant une heure, quoi. Tu peux pas t'empêcher. Enfin, je sais pas si les gens qui écoutent la playlist ont aussi ce ressenti, mais on écoute cette musique, mais ça y est, quoi. On est à fond. On écoute ça le matin, mais on est parti pour la journée, même en ayant fait une nuit de 4 heures. Donc cette playlist sera donc diffusée le matin. Uniquement. N'écoutez pas cette playlist le soir, vous n'avez pas le droit. Bon, à part les deux premières qui étaient un peu moumou, celle-là va redonner un petit peu de pépère. Ah, ça c'est sûr que celle-là, mais toutes les musiques, même, comment dire, même Everybody Needs Somebody, que j'espère tout le monde a déjà encore entendu une fois, même vu le clip, parce que dans le clip on voit justement les deux personnages en train de danser. C'est pareil, ils sont démontés sur scène, quoi, et c'est juste excellent. Bon, classique indémodable, je pense. Et surtout, oui, la scène aussi à laquelle Jack et Elwood chantent Everybody Needs Somebody, mais c'est pas, c'est juste extrêmement drôle la manière dont il la met, et voilà, c'est juste parfait. Et si vous ne l'avez pas entendu, écoutez-la tout de suite. Je suis en train de me tâter, est-ce que je vais la mettre au montage derrière? Je pense pas. Donc, démerdez-vous, allez l'écouter ailleurs, ou alors revenez dans la playlist, on la passera à ce moment-là, mais... Ou alors tu mets aussi Stand By Your Man, qui est beaucoup plus douce, et c'est une des rares musiques dont je connais la choré par cœur, étant donné qu'elle est constituée de 4 mouvements. Alors, si jamais on fait une playlist spéciale danse, ou je sais pas quoi... mais celle-là doit y être. Comment ça s'appelle ce playlist central, au lieu de dance central, je t'invite. Tu seras ridicule en dansant ça, ça va être trop bien. Mais c'est l'avantage de la playlist, c'est que l'invité n'est pas vu, il est juste entendu. Oui, mais il faudra assumer quand même. Non, si tu veux, je paye quelqu'un pour aller danser à ma place. Non, mes années de danse sont très loin, et c'était pas vraiment du jazz que je dansais, donc elles sont très loin. Bon, on va retourner dans le passé, un petit peu plus, quoique même pas. Juste, bref, on va aller même dans le futur. Ah ben non, c'est dans le futur, parce que Blues Brothers, c'était dans les 80, on va aller en 1986 pour trouver un artiste français dont Fox nous a déjà parlé. Je crois qu'il y a un lien avec Fox, c'est assez étrange. Un artiste français pour on va retrouver Johnny Hallyday. Comment je pouvais ne pas en parler ? Je te promets, sur l'album Gang. Sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces, je te promets la clé des secrets. Alors Johnny. Eh bien, même réponse que pour Ray Charles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison de... Parce que... Voilà. Il n'y a pas de raison de dire pourquoi. Enfin, surtout celle-là qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman, quoi. C'est beau. Et aussi, oui, je l'ai mise pour encore une fois gratter un artiste, étant donné que 10, c'est pas assez. Johnny. C'est perturbant de prononcer Johnny. Je l'ai donc choisi pour pouvoir placer un autre artiste qui est Ben E. King. Parce que la manière dont j'ai découvert Johnny, c'est à la radio. C'est pas vrai, je me suis tellement fait gruger en fait. Mais c'est pas fini. Donc je disais, la manière dont j'ai découvert Johnny, c'est en entendant à la radio passer la musique à Rester Ici. Et j'ai dit à mes parents, mais elle est bien cette musique. Et mes parents m'ont dit, mais tu sais que c'est une reprise. Et de là, donc, j'ai réussi à trouver cette reprise, qui est donc Stand By Me, qui est une vieille musique dans laquelle est des années 60, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être de 62, si je me trompe pas, c'est pas sûr. Et tout simplement, parce que Stand By Me, après, je l'ai écouté un peu sous toutes ses formes. J'ai écouté la version donc originale, et aussi la version qui a été faite par John Lennon. Il en a fait une que j'aime beaucoup aussi. Vive les Beatles, au passage. Oh, ça recommence. Je suis gentille. J'aime bien t'entendre avec Musica, toi. Oui, aussi. J'étais très contente d'entendre ta playlist. Et je me suis dit, j'ai bien fait de pas les mettre parce que placer les Beatles, ça s'est joué aussi à pile ou face. Et malheureusement, c'est tombé sur face alors que eux étaient pile. Et donc, voilà, je reviens à Johnny. Johnny, donc, je l'ai découvert par cette musique qui donc reste ici. Et donc après, ben voilà quoi, de toute façon, c'est pas possible de ne pas entendre le Johnny. On switch un peu les radios et on tombe forcément sur la musique de Johnny. Puis, je me suis dit aussi ce serait dommage de pas mettre parce que c'est vrai que je suis pas très chanson française, donc je me suis dit ce serait dommage de pas du tout mettre de chanteur français alors qu'on en a quand même beaucoup. Et du coup voilà pourquoi j'ai décidé de placer Johnny. Et celle-là tout simplement parce que celle-là elle est très très très belle, je trouve. Pas d'attachement personnel spécifique à cette chanson-là. Ah si, quand même. Parce que c'est vraiment... Oh. Si, parce que autant pour Reste Ici, on va dire, ça bougeait, c'était sympa à écouter, mais au fur et à mesure que j'ai découvert, j'appréciais, j'aimais bien, mais quand j'ai entendu celle-là, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est grand, c'est très grand, et c'est excellent, quoi. C'est vraiment... Cette chanson, elle est super belle. Vraiment, il y a un Goldman au top. Et elle est super bien interprétée aussi. Tout simplement. Fan de Johnny en général ou juste celle-là? Je vais avoir l'air vieille si je dis que c'est assez général, non? Tu as le droit d'avoir l'air de ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Tu es une femme, tu as 25 ans, c'est tout? Non. Tu auras toujours 25 ans, je veux dire. Toutes les femmes ont 25 ans. Ah, d'accord. Même quand on a moins, tant pis. Oui. Ok, ça me va, j'ai 25 ans. Alors. Ben voilà, tu as 25 ans, c'est pas grave. D'accord, on dit que j'ai 25 ans. Et donc voilà, j'aime de manière fort générale Johnny. Je l'avoue. Tu ne lui voues pas un culte comme certains qu'on peut voir dans des mauvaises émissions à la télé? Non. Ah non. Non, vraiment, découper des photos dans les magazines et les coller au mur, non. Je sais pas s'il y a beaucoup de photos de Johnny dans Hockey Podium ou dans... Ah non, mais je peux te dire que chez certaines personnes, c'est assez flippant. Rentrer, c'est assez oppressant, on croirait vraiment. Ça me fait un peu penser à... Tiens, tu vois, d'ailleurs, là, ce n'est pas une musique, mais j'arrive quand même à les placer, au sketch des Inconnus sur les sectes. Ben voilà, Vishnu. Ça me fait vraiment penser à Vishnu. mais dans le sens de Skippy est là. Chaque bière que tu détiens est un problème qui te retient. Monsieur. Et Skippy est là pour vous enlever tous vos problèmes. Tous vos soucis. Et voilà. Non, chaque bière que tu détiens est un souci qui te retient. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. J'ai fait une faute. Mais voilà, pareil, les Inconnus, c'est juste excellent. J'aurais pu, ces rangs chansons étaient peut-être moins drôles, en mettre aussi dans la playlist, parce que c'est pareil, c'est j'adore. Mais voilà, c'est assez flippant quand je vois ça chez les gens, du coup, j'évite de reproduire ça. Mais oui, j'aime beaucoup. T'es déjà vu en live? Non! On savait tout, mais... Non, j'ai pas vu. Non. Mais tu serais tenté. Oui. Oui, là, je suis dans... Comment dire? Je suis actuellement en phase... Je veux aller voir des concerts. D'accord. Voilà. Puis dans cette période de mutation de absolument. Ta vie... Non, bien souvent, quand même, je me suis dit, ça doit être sympa de voir en concert, etc. Mais là, je sens que ça va se rapprocher fortement. Une sorte de transformation en Johnny Garou, un truc dans le genre. C'est... Pas Garou. J'aime pas Garou. Oui, non, c'est vrai. Désolé. En loup validé, tard, on s'est levé tôt, on a le droit de faire des vannes pourries, et voilà. Oui, voilà, c'est bon. Bon, on va changer de musique. Hein. On va aller dans les années 90 avec un duo composé de David Crosby et de Phil Collins qui nous interprète Hero sur l'album Thousand Roads, sorti en 1993. Ça sent bien les années 90. Ah là, ça. Tellement. Ah là, on y est là. Il manque juste le petit bout de synthé. Alors, un duo. Est-ce que je me suis dit, t'as encore utilisé un duo pour me faire arnaquer et que tu parles de 14 personnes? Alors. Vous voyez pas, mais dans mon imagination, là, elle est en train de déplier un listing informatique. Ah non, du tout. Je n'ai aucunement un listing devant moi. J'en ai pas besoin. Le listing est dans ma tête. Donc, je vais un peu rire. Je dois avouer que là aussi, j'ai un peu croché. Parce qu'en fait, quand j'ai fait, on va dire, mon brouillon de la playlist, je me suis rendu compte que plusieurs de mes chansons avaient dans leur titre Hero. Et donc, à la base, il y avait celle-ci, il y avait une du groupe aussi Europe. Bon, s'il y en a qui le nom du groupe ne disent pas, c'est ceux qui ont chanté Final Countdown. Là, normalement, ça dit quelque chose à tout le monde. Et aussi, j'avais mis en hommage à Shrek. Les moqueries ne sont pas autorisées. J'avais mis Bonnie Tyler, I Need a Hero. Ah non, mais là je vais. Alors, tu vois, tout de suite à critiquer, ça sert de gruger. Tu vois, il y a des avantages. Et... oui, mais bon, là, c'est... Phil Collins, machin truc, là, s'il te plaît. Focus. Donc focus. Oui, j'ai choisi celle-là parce que, encore une fois, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas des masses David Crosby. C'est assez étonnant, mais j'ai un peu ce ressenti, quand je parle avec des gens, mais non, David Crosby, encore Phil Collins, les gens vont plus se connaître, ce qui est assez malheureux à cause de la fameuse et horrible vanne à les Phil Collins, qui est assez déplorable, mais bon, tant pis. Quoi ? Ah, t'as jamais entendu ? Non. Alors, en tout cas, moi, là, quand j'ai parlé de Phil Collins en chanteur, les blagues que j'ai eues, c'était « Allez, Phil Collins », c'est une vanne complètement pourrie que j'ai, personnellement, j'ai jamais compris l'intérêt comique de cette blague, mais bon, apparemment, ça fait rire. Oui, on va chercher. Voilà. Tu vois, là, même le soir, ça ne me fait pas rire. Donc, vraiment, c'est pour dire, même en journée, ça marche pas. Et donc, voilà, David Crosby, assez étonnamment, je ne connaissais pas et je me suis dit que la playlist était un bon moyen de faire changer les choses en mettant donc cette musique. Et oui, cette musique, j'aime beaucoup aussi, elle est bien et puis elle est moins connue aussi parce que je voulais pas mettre comme dans les prochains, bon, dans les prochains artistes à passer, il y a des artistes fort connus, mais j'ai préférer éviter en général de mettre une des chansons les plus connues de l'artiste pour un petit peu changer, faire connaître, etc. Parce que sinon c'est sûr que j'aurais pu mettre If I Could Only Remember My Name, là c'est sûr que ça parle plus. Mais celle-ci, oui, je ne sais pas, je l'aime bien. Je l'aime bien, elle est, comment dire, elle est simple et en même temps elle se suffit, j'aime bien. Puis j'aime beaucoup aussi le mélange des deux artistes, je trouve qu'ils vont très bien ensemble et le rendu est très beau. Comment il s'est fait ce duo? Comment tu l'as connu? Alors, je l'ai connu d'abord justement. Oh putain, ça commence. Non, absolument pas. Non, j'allais juste dire. Ah non. J'allais juste dire, je l'ai connu parce que je connaissais David Crosby justement avec If I Could Only Remember My Name, qui là, c'est pareil, j'ai dû, oui c'est ça, j'étais encore une fois en voiture et je l'ai entendu à la radio et j'ai retenu le titre et l'artiste et de là j'ai bien accroché. Et au fur et à mesure, j'ai découvert des titres et j'ai découvert ce duo que j'ai fort apprécié et que je trouve très agréable à écouter. Et pas assez connu aussi. Tu as réussi à découvrir de la musique sans Internet? Et oui, monsieur. C'est incroyable. C'est hallucinant, mais même moi, je me demande comment j'ai fait pour vivre sans Internet. C'est pas possible. Pourtant, il n'y avait que les vinyles à l'époque. Non. Dans la campagne, Internet, c'est bien compliqué. La campagne, t'as pas toujours l'électricité, EDF, c'est pour ce que c'est. Quelle horreur. C'est absolument... J'ai l'impression d'être bourré, c'est horrible. C'est laid, quoi. C'est effectivement très laid quand tu sors dans la rue, que c'est pas une vache qui te parle, mais un campagnard, et que t'entends ça, tu te dis, pauvre de nous. Parce que c'est... Au voilà, au secours. Non, j'allais le dire de manière assez. assez horrible. Mais on va éviter quand même. Mais voilà, quoi, cet accent est très laid. Et donc, j'ai découvert cette musique sans Internet. Je trouve ça hallucinant, des gens qui découvrent de la musique sans Internet. C'est incroyable. Ah oui, puis c'est vrai que la radio, c'est quand même pas très connu, donc c'est normal. On retrouve la chanson un peu douce, un peu tranquille, c'est un peu ton style de musique, ça? Ouais, quand même, je pense qu'au final, dans la playlist, ça va se voir, je suis pas vraiment du genre art metal, je suis pas non plus du tout du genre électro, mais alors là, je me demande même si j'ai déjà réussi à écouter une musique complète, c'est une raison pour laquelle les boîtes de nuit me rebute, mais de manière absolument hallucinante. Je supporte pas ça. Ça et aussi le fait de devoir danser devant des gens, ça non plus. Mais... ah oui, non. Puis payer un coca 5 euros, ça m'a jamais trop tenté. C'est bizarre, mais... mais non, voilà. C'est au top de la mode. Ah oui, mais je suis démodée. Je suis née démodée. Donc... T'es pas super fashion, en fait. Ah, non, du tout. Oh. Absolument pas. Ah oui, non, je suis pas du tout dans ce trip-là. On sort en boîte tous les soirs, on se colle à des gens qu'on connaît pas, trempés de sueur, la verre, je sais pas. Pour aller danser le jerk sur de la musique pop. Bah encore. À la limite, pourquoi pas le jerk ou le jerk ou n'importe quoi, mais pas, enfin non, pas n'importe quoi, justement. Pas de l'électro, quoi, je suis... Ah, oh, j'aime pas ça. Puis même, je veux dire, les musiques actuelles, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que... Enfin, j'accroche pas. Je trouve que ça se répète. On va éviter de parler de... D'un grand DJ, hein, qui fait ses playlists, lui, avec une seule note. Je pense que tu verras de qui non, je parle. On va pas parler de... Voilà. Non, c'est... Alors, grand, je sais pas. Enfin, aussi, il fait 1m90. Businessman, oui. Je sais pas. Je sais pas. T'intéresse pas trop à ça. C'est pour ça que je dis c'est grand. Ah, d'accord, c'est au cas où. Ça. Mais voilà, même les musiques plus actuelles, genre je me suis allergique. Pourtant, les gens disent, mais c'est ta génération, tu devrais au moins accrocher un petit peu tout le triple à des sortes d'horribles chansons telles que Justin Bieber. Oh là là. Oh, mais je vomis des oreilles. Mais je n'exagère pas, j'écoute ça, mais je saigne. C'est de là que j'ai trouvé qu'effectivement le titre de la honte de la dernière playlist était effectivement un vrai titre de la honte. Tu vois, j'ai relativisé le mien après ça. Oui, parce que je crois que t'as pas très bien compris le principe du titre de la honte, mais on verra à la fin, je t'expliquerai pourquoi. On verra à la fin. Mais oui, là vraiment, je saigne, je vomis des oreilles, c'est... Bon, dernière question, Phil Collins, chant ou batterie? Ah merde, Joker. Ah, oh merde. Je peux l'utiliser? Bon bah tant pis, Joker alors. Bon bah toujours dans les années 90, on va aller voir un groupe qui pue des pieds en fait. Eh ben non, c'est pas grave, je vous expliquerai après. Donc on va retrouver Scorpion, le meilleur du heavy metal rock allemand. Merci Wikipédia, je savais même pas qu'ils étaient allemands. C'est sérieux? Ouais. Ah non mais je suis nul hein, on va écouter Send Me an Angel sur l'album Crazy World de 1990. Oh, le synthé. Et ouais, là on y est là, on y est en 90. Ah, hein. 90 là. Et les intros de trois plombes de long. Ah mais tellement, ah mais ça c'est typiquement Scorpion. Enfin, pour moi c'est vraiment, c'est limite la patte. Ah voilà. Alors pourquoi Scorpion, pourquoi pas Steel Love and You, je sais pas trop quoi. Alors justement parce que Mais merde. Non du tout, je ne ferai pas ce coup à chaque fois. Je viens de me rendre compte pourquoi j'aurais pas dû poser la question. Ah non, de toute façon je te l'aurais dit, ne t'inquiète pas. Oui. Ah oui, non. En fait, Still Loving You et aussi Wind of Change, elles sont quand même extrêmement connues. Même je pense par les plus grands incultes musicaux, c'est quand même des chansons qui sont inévitables. Quoi, je veux dire, peut-être pas. On regarde une vidéo sur Internet, ça donne des gens vont reprendre Still Loving You. On regarde un film, c'est pareil, on va entendre la musique en fond. C'est vraiment des musiques qui ont été entendues, réentendues, etc. Et du coup, voilà, je trouvais que, en plus, Send Me an Angel, elle est beaucoup plus douce, je trouve, par rapport à Still Loving You, qui monte beaucoup plus dans tes, comment, qui monte beaucoup plus haut. Là, Send Me an Angel, elle est vraiment plus douce, et elle garde ce tempo rythmé, mais sans jamais avoir à crier, quoi. Et je trouve qu'elle est assez agréable à entendre, encore une fois, là, j'aime beaucoup sa voix, et voilà, j'aime beaucoup, et ce petit cœur aussi typique à Scorpion, je trouve très agréable à entendre, et encore une fois, je trouvais pas vraiment d'intérêt, même si j'aime beaucoup aussi Still Loving You et Wind of Change. Je me suis dit quand même, on fait une playlist, autant faire découvrir. Sinon, je mets toutes les musiques les plus connues et voilà. Mais là, je me suis dit, ça fait un petit peu découvrir et ça montre aussi le côté un peu plus doux parfois de Scorpion. Même si on retrouve toujours justement ces petits tics musicaux, des petits morceaux de rythme qu'on retrouve dans leurs chansons de manière presque systématique. Mais là, oui, celle-là, je la trouve bien et elle change. Et comme tu l'as dit, ça reflète exactement ce que tu nous as dit avant. Elle n'est pas bourrine, elle n'est pas... Ah ouais, non. Il y a quand même un petit peu de guitare électrique et de synthé. Oui, voilà. C'est vraiment du... On prend Scorpion, le style Lomino, et on la baisse au cran soft. et voilà, on obtient des... Tu vois, la même... le Here I Am, il est dit de voix forte, mais pas en criant comme Still Loving You, qui vraiment envoie le pâté, quoi. Donc on passe de Still Loving You à Still Loving Moo, en fait. Non, du tout, non, mais c'est juste pour donner un exemple, on va dire, comme ça. C'est vraiment une musique qui est douce, mais on sent quand même qu'il a du coffre, quoi. Et voilà, et puis je trouve le rythme très agréable, et j'aime beaucoup. Mais alors, pourquoi un groupe allemand? Pourquoi Scorpion? Parce qu'il y a des chansons jolies comme ça. Ah oui, Aerosmith en a fait. Je vais t'avouer que... Bah, c'est joué à plus facile, d'accord. Avec Crying de Aerosmith. Mais Crying, c'est pareil, Crying, je l'adore. Si les gens qui écoutent, c'est un appel, vous ne la connaissez pas, encore une fois, écoutez-la. Oui. Triche là, oui. Tu l'as pas mis dedans, t'as pas le droit. Je suis aussi innocente qu'un chaton avec une bouteille de lait renversée devant lui. D'accord. C'est, tu vois, c'est... De la femme au chat, c'est absolument. C'était moche. Il va falloir l'assumer, ce miaou là. Non, du tout. Je ne l'assume pas. J'assume le fait qu'il soit très tard, et c'est tout. Et que tu es un petit peu bourré, mais juste par la fatigue. En fait. Oh, je suis pas tant fatiguée que ça, mais... Non, voilà, en fait, je pense que ça me donne une excuse pour être un peu folle. Bon, je vous parlais de groupe au pied qui pue, mais est-ce que tu connais le problème de Still Loving You, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que si on l'entend sans... Ça nous coûte bien... Ce soir, j'ai les pieds qui puent, ça fait courir. Bravo, on voit bien ton humour là-dessus, très... Très fin. Sophistiqué. Voilà, très recherché. Oui, malheureusement, Scorpion fait partie des groupes ou artistes qui ont, quand on ne les écoute pas, on va dire, de l'oreille à laquelle... Enfin, comment dire... Quand on ne les écoute pas avec une oreille anglaise, on peut effectivement entendre une sorte de français ne disant pas du tout... ce que les paroles disent à la base, et voilà, ce soir j'ai les pieds qui puent, comme tu viens de dire. Mais je préfère... Ils n'ont pas invoqué Satan, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Après, il y en a, ils font pouic-pouic, ils sont doux. Oh, oui, c'est vrai que malheureusement, il y en a de plus en plus. Du Metallica, je crois, je sais plus, bref. Ouais, peut-être un truc comme ça. Nous battons des œufs, puic-puic, ils sont doux, je sais plus. C'est n'importe quoi. Hey, tu vois que toi aussi, tu dévis, tu viens de placer Metallica là. Hein. Oui, mais là j'ai le droit. Et pourquoi tout ça le droit à ta voix? Parce que c'est mon podcast, bref. Donc maintenant, direction les îles britanniques avec l'immortel groupe de Freddie Mercury, Queen. Oh. These are the days of our lives sur l'album Innuendo de 1991. Mercury, des dents de vent et une moustache. Oh, tout de suite. Non, Freddie Mercury, surtout... Et un groupe immortel. Une voix de malade, vraiment. C'est... Oh, c'est dingue. Et surtout, une vie de malade. Je trouve vraiment le personnage dans sa globalité, le groupe. Et... Enfin, je sais pas s'il faut vraiment se justifier pour... Enfin, s'il faut vraiment se justifier du fait d'aimer Queen, quoi, parce que c'est... Qu'on connaisse simplement les classiques du genre I Want to Break Free qui est excellente et que je ne sais pas qui n'a pas ri en voyant le clip. Et si, même si on connaît que les grands classiques, on peut que aimer, quoi, parce que celle-ci, enfin, surtout celle-ci, quoi, quand on voit un petit peu le parcours de Freddie Mercury, quand on voit un petit peu malheureusement la fin qu'il a eue, on se dit, la vache, le mec, il avait quand même des tripes, et voilà. Bon, il a eu une triste fin, mais bon, il a brillé au firmament. Ah, bah, c'est même plus il a brillé, c'est qu'il a éclairé la terre entière, quoi. C'est, je veux dire, ça a été le soleil, quoi. Mais il a été excellent. Et jusqu'au bout, quoi, quand on sait que c'est la dernière chanson, parce que Freddie Mercury est mort de maladie, il est mort jeune, puis il est mort assez jeune, je crois que c'était à 40, 41 ans, un truc comme ça qu'il est mort, il me semble. Et oui, d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai pris cette chanson, j'ai hésité avec Show Must Go On, parce que Show Must Go On est tout simplement la dernière chanson qu'il a chantée. Enfin, qu'il a enregistré en studio, et il était tellement malade qu'il n'y en a eu qu'une seule, qu'un seul enregistrement. Il a même galéré à la faire, mais quand on voit un petit peu là, on se dit le mec qui a une pneumonie, il arrive à dégager, mais avec un corps, mais qu'il faudrait s'y mettre à 10 pour l'atteindre, quoi. C'est, il a eu un corps de malade jusqu'au bout, et on se dit quand même, le mec, il arrive à nous sortir le Show Must Go On d'une force dingue, et il y va avec ses tripes, quoi. Et voilà, donc j'ai pas choisi Show Must Go On parce qu'elle est justement plus connue, mais This Are the Days of Our Life, elle est moins connue, et c'est aussi le dernier clip dans lequel il apparaît. Et on voit malheureusement que ça n'allait pas. Et là, on voit un petit peu la déformation professionnelle. Hein. Là, on la sent, la déformation professionnelle. Ne nous fais pas une analyse, s'il te plaît. Non, je ne t'analyserai pas, t'inquiète pas. Mais oui, mais c'est une déformation professionnelle, je n'y peux rien. Mais on voit qu'il est mal, mais on voit quand même qu'il a aimé ce qu'il a fait jusqu'au bout. Et c'est génial, quoi, parce que même cette musique, quoi, les paroles, je veux dire, rien que le début des paroles, c'est je regarde ce qui s'est passé, en gros, parce que je ne saurais plus te retrouver, sauf si tu me laisses quelques secondes. Les paroles exactes du départ, c'est vraiment, je repense à ma vie, et je me dis qu'en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'était pas si mal, quoi. Les mauvaises choses, il n'y en a pas eu tant que ça. Il m'a dit, putain, c'est un mec qui sait qu'il est condamné, qui chante ça, quoi. C'est assez dingue, c'est courageux, ça n'attire que le respect, quoi, une chose pareille. Le mec, il sait qu'il est condamné, et il dit lui-même que quand il repense à sa vie, bah, en fait, il n'y a pas eu tant de choses de mal que ça, il a apprécié, c'était bien, il a profité, et voilà. Est-ce que je peux faire un parallèle nul? Parce que quand tu me disais que bon, il est resté sur scène jusqu'au bout, etc., ça me fait penser à complètement quelqu'un d'autre à une autre époque, hein, c'est Edith Piaf. Bah, pourquoi pas, ouais. La petite môme qui avait une puissance, ouais, bah, puissance vocale incroyable, et Elle est quasiment morte, quoi, deux semaines après son dernier concert sur scène, elle tenait plus, enfin, c'était chaotique, mais elle est restée jusqu'au bout. Elle vivait pour la musique. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu crois qu'il était pareil, Freddy? Ouais, parce que même, ouais, il avait même eu le tour sur un de ses derniers concerts, hein, de, d'interpréter une chanson et au final il a malheureusement pas pu pour cette chanson aller jusqu'au bout et c'est quelqu'un d'autre qui l'a repris pour la finir. Mais ouais, ça sent qu'il est bon dans ce qu'il fait et il le fait bien, quoi. Et puis les paroles, je veux dire, cette chanson, elle fait partie de l'album Inundo, qui est le même album, donc Show Must Go On. Et pour moi, c'est vraiment l'album du, enfin, comment dire, un album en même temps, un testament et en même temps un album d'au revoir. Parce que, on n'a même pas l'impression que c'est un adieu, parce que rien que Show Must Go On, ça te dit, allez, on continue, quoi, ça s'arrête pas. Et c'est très beau, et c'est un très beau message, et c'est important. Pour moi, c'est important. Show Must Go On, dernier titre de la phase B en plus. En plus, ouais. Pardon, dernier. Ah bah, c'est le tout dernier titre qu'il a enregistré. Et il me semble même que c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, je n'ai pas fait plusieurs charges dessus, mais justement pour l'enregistrement, ça s'annonçait un peu galère. Et il a pris un verre de vodka, la vie d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Mais il a pris un verre de vodka et il a dit I'll fucking do it. Vraiment, de toute façon, je m'en fous. Je le fais, j'ai décidé de le faire. Il n'y a rien qui m'arrêtera, alors que quand même, il a quand même une pneumonie due à son VIH sur le dos. Il me dit, bah putain. Voilà quoi. Qui est allé jusqu'au bout en fait. Ouais, chapeau bas l'artiste. It's a kind of magic, les albums précédents, pas du tout. Il fallait vraiment que ce soit celle-là. Oh ben, je veux dire sincèrement, c'est pareil, je peux faire une playlist qu'avec du Queen, hein, enfin... Non, pas le droit. Mais non, non, Queen, dans sa globalité, mais je trouvais que c'était, ouais, celle-là, elle m'est apparue, pourtant j'écoute les autres de manière vraiment très fréquente, mais celle-là, bon... Je me suis dit en faisant la playlist, voilà, je sais quoi dire dessus. Après, il y en a aussi, même les chansons, juste de, enfin, même par exemple, Who Wants to Live Forever, même si on part plus loin, The Dear Gagger, juste une de Cody Murphy qui est Living on My Own. Enfin, pour moi, il y a presque rien à acheter, enfin. Après, on aime plus ou moins en fonction des chansons, c'est normal. Il n'y a rien à acheter, quoi. Vraiment, c'est excellent, que ce soit Will Rock You, si on part un peu loin, que ce soit Another One Bites the Dust, qui c'est pareil, est très entraînante, Bohemian Rhapsody. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose. Je pense que pour un futur hors-série de la playlist, je vais faire une spéciale, les chansons qu'ils ont envie de chanter. Je vais mettre Bohemian Rhapsody dedans. Ah bah ouais. Parce que je pense que je connaisse personne qui une fois commencé, qui peut la couper. C'est ah pas possible. Clairement. Mais t'as l'exemple parfait, quoi. Je veux dire, mais t'as pas, même pas que Bohemian Rhapsody. Je veux dire, We Will Rock You, bon, les gens s'improvisent plus sur celle-là, c'est-à-dire qu'ils disent justement oui, parce le que titre et après non, c'est ça l'a pas, alors que Bohemian Rhapsody oui, c'est vrai. Mais qui ne connaît pas l'air de Another One Bites the Dust, de Show Must Go On, enfin, comment on peut faire pour ne pas connaître l'air de ces musiques-là? Comment? Bah, en n'écoutant pas la playlist. Eh oui. Là, c'est ridicule. La pub pour de mon propre podcast, oui, bien sûr, aussi. Ça va être efficace. Je disais qu'il était tard. Absolument. Donc maintenant, on va retrouver un autre duo, beaucoup, beaucoup plus calme, avec Marvin Gaye et Diana Ross, yeah, sur l'album Diana and Marvin, avec Just Say, de 1973. C'est tout tranquille, ça. Ah oui, mais c'est comme il faut. Just say that you forgive me and make it better. Alors, encore un duo, c'est une arnaque. Alors, non, le seul petit souci, c'est que En faisant la playlist à la base, j'avais pas mis celle-là de Marvin Gaye. Et puis je me suis dit, merde alors, je suis une fille et les 10 titres qui me restent, parce que donc avant on avait Bonnie Tyler au moins, mais vu que j'ai recoupé avec Crosby, ça ne passait plus. Je me suis dit, merde, j'ai pas une seule chanson de avec une voix de fille. La merde. Je me suis dit, zut, c'est embêtant quand même. Bon. Bah non, c'est ce que tu veux. Bah je me suis dit quand même, allez, on va rajouter, et puis de toute façon ça ne me gênait pas du tout, j'adore le mélange de ces deux voix, que je trouve juste excellent. Et voilà, c'est sincèrement, même tu ne peux pas dire que ces deux voix-là ne vont pas ensemble. Je trouve vraiment c'est le genre de musique. En plus, l'intro assez douce, assez posée comme ça, tu te mets en fauteuil, et quand tu entends les premières notes, tu t'enfonces en fauteuil, et t'en décolles plus, quoi. C'est net à dire, mais t'es vraiment t'es pris dedans. C'est vrai que j'avais pas remarqué, on a que des groupes ou des voix d'hommes. Il y a juste Diana Ross. Mais voilà, mais c'est pour ça que je me suis dit, mais j'avais pas réagi au début. Et j'allais donc avoir ma playlist finale, et je me dis, ben. En fait, les chanteuses allaient me virer. Merde. Bon, bah alors, solution de secours. Avec la petite arnaque. Alors, Oui, on commence à avoir l'habitude. Hein. Voilà. Et voilà, je l'ai rajouté, mais sincèrement, c'est pas du tout par dépit, parce que même l'album Diana et Marvin, sincèrement, il est juste excellent. Je veux dire, Stop, Look, Listen. Pour moi, c'est génial. C'est génial. 73. Pardon. 70, 79. Très 70. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, oui. En fait, là, tu vois, mes goûts musicaux, l'album le plus vieux de ma playlist doit être de 93. Donc, c'est... Il me semble lequel. Je me souviens que mon album le plus vieux que j'ai choisi, que c'est 93, mais je me souviens plus lequel. Le plus récent ou le plus vieux ? Enfin, le plus vieux, pardon. Le plus récent, oui. Plus récent, c'est Thousand Roads. Oui, voilà. Donc c'est Crosby, voilà, c'est Crosby avec 93. Mais voilà, je pense que de toute façon, je ne connais pas grand-chose. Enfin, en tout cas, pas beaucoup d'artistes ayant émergé après cette époque. Je suis encore les anciens artistes qui font encore de musique maintenant. Mais je dois avouer que je découvre pas beaucoup d'artistes depuis cette époque. Mais sincèrement, ça suffit. Ça, les 70s se suffisent à elles-mêmes. Et voilà, quoi. Je veux dire, même. Je viens juste de remarquer que je n'ai pas de musique des années 60. Ça aurait pu. Largement. Ça aurait largement pu, même. C'est assez étonnant. Quel dommage, tu m'as déjà envoyé ta playlist. Tu n'as plus de changer. Non, je rajoute Bob Dylan. Non, c'est du non. Pas mais en plus, sérieusement, voilà, c'est vraiment 70, enfin, 60 à 95, on va dire, et voilà, là c'est mes goûts musicaux, là, c'est cool, c'est bien écrit, il y a vraiment une ambiance dans le truc, et voilà. Mais alors, pourquoi encore un duo et pas Diana Ross seule ? Parce que je trouve qu'il y a... Ça aurait pu être Diana Ross, sincèrement, je veux dire, je pense qu'elle a pas du tout besoin de quelqu'un pour affirmer le fait que ce soit une grande artiste. Il n'y a qu'à voir. Love Hangover, qui ne connaît pas cette intro, sincèrement. Enfin, s'il y a des gens qui la connaissent pas, je m'inquiète, là, je me dis merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais même... Vous entendez pas, mais je suis en train d'aller... Arrête! Eh ben, passe-la si tu veux, juste le début, mais qu'il ne la connaît pas. Enfin, je veux dire, cette intro, elle est tellement connue! J'attends que tu la trouves, parce que t'es quand même un peu en train de m'inquiéter, là. Oui, non, mais... Vas-y, continue. J'ai bien compris, oui, non, mais donc... Ah, bah oui, non, mais oui. Ah, bon. Oui, j'ai appris que c'était elle. Non mais oui, comme on disait, que ce soit n'importe quoi, je veux dire, Endless Love, L'intro a été reprise par MC Solar, tiens, je crois. Ah, peut-être. Ah, c'est possible. Bref, on s'en fout. Mais je veux dire, tout ça. Comme je disais, il y a Stop Le Clayson qui est encore une fois avec Marvin Gaye qui est, je trouve aussi très excellente. Mais que ce soit dans quel cas où elle est seule à chanter, c'est excellent. Mais c'est Dio, je l'aime beaucoup aussi. Et voilà, pour moi c'est très bien, et voilà, ça m'a permis de parler des deux. Encore arnaqué, c'est une faire le choix entre tous ces artistes était pour moi impossible. Alors oui, MC Solar a bien repris du Diana Ross, c'est en paradisiaque. Voilà, je viens de vérification approuvée. Voilà. Je te mets le lien si tu veux. C'est bon. Je couperai de toute façon, je couperai au montage. Merci. Ou pas. Enfin, bref, on s'en fout. Putain, il est tard, au secours. Ah, c'est pas bien, les mélanges. Faut que je me trouve plus tard. Donc maintenant, on se déplace jusqu'en 1976. Ah bah, encore en 1970, c'est pas possible. Et on... Encore du Canada, toujours pas avec du Céline Dion, ça c'est un point très très positif, mais avec In the Falling Dark. Sur l'album In the Falling Dark, on va retrouver du Bruce Cockburn. Mais Bruce Cockburn, je connais pas. Oh mon Dieu. Oui, je sais. Heureusement que je suis assise. Mais du tout. Oh, ça du va. Tout oh là du là. Enfin, j'espère que tu vois l'intérêt un petit peu donc de la playlist. C'était le but. Bref, vas-y, enchaîne. Pardon, donc je dis. Enfin, non, je disais rien, mais c'est pas grave. Donc, oui, Bruce Cockburn, In the Falling Dark. Là, c'est pareil, je trouve que c'est une musique. On s'assoit, on l'écoute, et on a la tête qui bouge de droite à gauche en suivant le rythme de la musique. C'est, là, j'adore l'intro de la guitare. Je sais pas pourquoi, j'adore cette intro. Elle est très prenante. Et voilà, je trouve que c'est aussi une musique bien posée, bien agréable à écouter, et c'est pas forcément, enfin je ne pense pas que ce soit la plus connue de Bruce Cockburn, et voilà quoi, c'est très bien, et je l'ai découvert cette fois-ci en écoutant du, alors non, c'était même en achetant un album de Johnny Cash, et en fait l'album de Johnny Cash était dans le même bac, et j'ai vu en fait Bruce Cockburn, et je sais pas pourquoi ça m'a, sur mon instinct, je me suis dit, oh tiens, ça a l'air sympa, et je l'ai pris, et voilà, voilà tout simplement pourquoi, parce que c'est cool, et j'ai découvert, donc voilà, avec cette musique en premier, et c'était cool, et j'aime bien. C'est peut-être parce qu'on voyait sur la pochette de l'album, on a juste son visage en noir et blanc comme ça, avec ses petites lunettes et sa barbe. Oui, mais je sais pas si c'est le titre, je sais pas si c'est la pochette, mais je me suis dit, bah allez, je vais essayer ça, tiens. Comme il y en a qui essayent le nouveau yaourt goût je ne sais quoi, bah, moi j'ai essayé un nouveau CD, goût Bruce Cockburn. Et voilà, tout simplement, comment j'ai découvert. Grâce à Johnny Cash. C'était même pas à but d'arnaque, là. Non, même c'est oui, vraiment, même pas. C'était de la faute du vendeur qui avait mal arrangé ses CD, et voilà. Et c'est ça qui est vachement bien, retrouvé comme ça par le hasard. Hein. Est-ce que c'est le hasard ou la sérendipité, retrouver des petits trucs sympas? Non, mais c'est vrai, c'est... Juste par une pochette d'album. Complètement. c'est juste là au pif, il a eu la chance que son nom commence par un C comme Johnny Cash. Et voilà, c'est le coup de chance. Ça aurait pu être de la musique que je n'aime pas du tout. Au final, je... Oh, plus de Crazy Frog qui commence aussi par un C, mais non, ça va plus que Burn. Ça va te me dire des choses aussi tristes. Non, voilà, il est tard. Il est très tard. Voilà, mon Bruce Campbell, c'était une très bonne surprise. Et oui, j'ai choisi aussi ce titre-là parce que c'est le titre de l'album. Et quand même, c'est l'album que j'ai découvert. Je me suis dit, allez, on a celle-là. Puis je trouve que c'est, même si c'est très, très doux comme musique, on a quand même au moins les pieds et les têtes qui bougent un petit peu en rythme avec. Et c'est fort agréable. Bah, petite guitare simple avec juste une batterie derrière, ça fait le taf, mine de rien. Mais sa musique, ça fait vraiment américain. Effectivement. Je vais pas dire qu'on voit le Grand Ouest, non, comme mais ça, c'est... le soleil couchant, etc. Mais oui, c'est vrai qu'on s'imagine bien comme ça sur une grande étendue. Ça me choquerait pas du tout d'entendre cette musique-là aux États-Unis. C'est effectivement bien le style et c'est vrai que ça me dénoterait pas. Alors c'est quoi cette obsession avec les Canadiens, Neil Young et Bruce Campbell? Alors ça, c'est pas une obsession, il y en a deux. Mais il y a déjà plus de Canadiens que de femmes. Alors moi, je parle d'obsession. Non, j'ai même pas fait exprès en plus. Si je suis vraiment pour une fois. Ça va. Hein. Après, on va me traiter de manipulatrice ou de je ne sais quoi, donc doucement. Mais non, j'ai même pas fait exprès en plus. Et ça se finit comme ça, mais je trouvais même que justement le fait d'avoir découvert Bruce Campbell, c'est la manière dont j'ai découvert qui m'a plu, et c'est comme ça que j'y ai repensé, que je me suis dit, bah tiens, celle-là, je vais la mettre à la playlist. Parce que effectivement, on trouve tous des musiques en cherchant une musique sur YouTube, et puis dans les trucs recommandés, bah paf, il y a un autre groupe, une autre chanson, un autre style. Effectivement, il y a ça, mais je trouve que des fois, aller s'acheter un petit album et puis voir ce qu'il y a à côté et tenter, bah, comme quoi ça peut payer et ça peut être sympa. Mais tu le fais encore, ça? Aller dans un disquaire, trouver de l'album. Alors, pire, là, si tu veux, en fait, hier, j'ai dû m'acheter une compile des 60 meilleurs titres de blues. Donc, si tu veux, je t'envoie la photo avec les 4 CD qui sont dans la pochette. tu m'aurais fait peur si t'avais acheté le Best of the Corona, mais non, c'est les 60 titres de blues que vous devez avoir écouté. Donc, effectivement, j'en ai déjà écouté quelques-uns, étant donné qu'il y a du Red Charles dedans, et d'autres têtes reconnues du blues. Mais ouais, c'est... Ah, je sais pas, puis c'est agréable, je trouve. Pour le dernier titre de la playlist, au moins celle que tu assumes un petit peu, enfin vous verrez après, on va retrouver un groupe américain, donc Kansas, sur l'album Kansas avec Lonely Wind de 1974. When I'm needing a friend, I can talk to the wind. God, I sure am glad that I found him. Sometimes he seems to be the only one beside me. Can feel the Lord's breath all around him. Winter's cold, frozen ice, or a bright autumn day. Alors, Kansas. Alors. Pourquoi Kansas? Alors, encore une fois, parce que c'est un groupe que je trouve étonnamment pas très connu. Je sais pas si là tu connaissais, étant donné qu'apparemment ta culture est assez restreinte. Je connaissais un autre Kansas, mais il vient d'Alsace, je vous en parlerai un jour. Mais oui, voilà, tout simplement parce que c'est un groupe qui n'est pas très connu, à mon assez grande surprise. Et je me suis dit, bah zut, bah tiens, c'est l'occasion d'en parler. Et voilà, c'est bien dans le genre de musique que j'aime bien, rock, c'est vraiment, c'est bien un moment dans mon genre. C'est un peu folk quand même, toujours ce petit côté surtout, un peu guitare douce. Ouais, surtout ce titre-là, parce que ce titre-là, il est pas... Enfin, comment dire... c'est pas le titre le plus connu de Kansas, hein. Le titre le plus connu, je pense qu'on peut dire à l'époque actuelle, ça doit être Carry On My Wayward Son, qui est tout simplement très connu, et c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait, pour être... Guitar Hero 2 sur Xbox, je vous Non, à la base, c'est plus connu pour être la musique de Supernatural. Vois-tu de quoi je parle? Guitar Hero, Supernatural. C'est... Guitar Hero. Donc, je disais donc, parce que c'est mon artiste, pas le tien. C'est mon podcast. Mais c'est moi l'invité. Ah, j'aime bien embêter les mots. Alors pour ceux qui se posent des questions, ça fait quoi? Ça fait une fois qu'on repousse l'enregistrement, oui. Et déjà. Parce qu'il m'a, m'a posé un lapin. Et on dernière. S'est balancé des fions pendant une heure et demie, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Non, en fait, il me martyrise. C'est pas vrai. Pas vrai. Non, comme ça. Non, comme ça. Je disais donc, j'ai découvert donc, en regardant tout simplement Supernatural. Et la chanson qui passe, c'est Carry On My Wayward Son. Et c'est une chanson qui est beaucoup plus. Qui bouge beaucoup plus, hein. On entend beaucoup plus la guitare électrique, c'est beaucoup plus fort comme musique. Et voilà, j'ai découvert comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter le reste pour voir ce que ce cher groupe a à offrir. Et surtout, après, j'ai vu que c'était un groupe des années 70, et là, je me suis dit, c'est pour moi, hein, forcément. forcément. Évidemment. Hein. Après, moi, j'ai la deuxième que j'ai dû écouter, ça doit être Dust in the Wind, qui est, là, je pense, actuellement, du coup, la deuxième plus connue, étant donné que celle que j'ai citée précédemment doit être la plus connue à l'époque actuelle. Dust in the Wind, c'est pareil, elle est un peu douce comme celle-là, mais elle est beaucoup plus connue. Et je me suis dit, bon, je vais faire un peu, comment dire, un arrangement. Je ne vais pas prendre celle qui est la plus connue à l'époque actuelle. Je ne vais pas prendre la deuxième plus connue. Je vais prendre une que moi j'aime bien, qui n'est pas forcément très connue. Et voilà, tout simplement. Et aussi... T'es vraiment bloqué dans les années 70. Ah non, regarde, tu vois, je dévie aussi dans les années 80-90. Et ça, c'est parce que tu n'as que des titres et que tu ne m'as pas permis de parler des Beatles, de Bob Dylan, des Rolling Stones, de Aerosmith, justement, comme on l'a cité tout à l'heure. Hein, tu m'as empêché, parce que c'était des titres. C'est fait exprès. C'est cruel, voilà ce que c'est. Oui, c'est fait exprès. Non, mais plus sérieusement, je suis pas bloquée non plus dans les années 70, mais je vous avoue que c'est là que viennent mes principales chansons préférées. Et voilà, mais j'ai aussi pris parce que c'est une chanson qui est tirée du premier album de ce groupe. Et je me suis dit, ben voilà, c'est cool. Après, si tu veux, j'aurais pu défier un petit peu, étant donné qu'ils n'ont pas joué que dans les années 70 avec le groupe Eagles. Mais bon. Je pouvais pas mettre tout, hein, forcément. Non, tu n'avais pas le droit de mettre mais tout. Mais c'est pas gentil. Mais même si tu l'avais pas, même Survivor, j'aurais pu en mettre certaines. Ça y est, je l'ai placé. Non, mais voilà, plus. Anna la gruge, c'est pas possible. Hé, pas gentil. Anna la gruge. Plus personne n'a aucun doute sur tes véritables intentions oh, après cette playlist. Je fais exprès de pas mettre mon vrai nom et prénom, c'est bien, je suis démasquée. Oh Dieu. Donc c'est vraiment ton style de musique, les 70, t'es un peu vraiment dans cette époque. Oh mais je dévie aussi, hein, avec les années 80 années 80 avec le blues, pour dire, je suis pas mal blues jazz aussi, hein, ça c'est... Je pense que ça s'est un petit peu vu. je suis pas mal blues jazz et même tu vois, j'aurais pu placer Benny King avec Stand By Me. Sincèrement, j'ai longtemps hésité à la mettre ou pas la mettre, je ne savais pas. Et, Et là, j'aime beaucoup aussi, ça bouge, c'est entraînant, c'est bien. On écoute ça, on est ailleurs, quoi. On n'est pas dans son bureau, on n'est pas sous la pluie. On est bien, on est ailleurs, et on est détendu et on est content. Mais au final, très très très très peu de chansons françaises. C'est pourtant vrai. Une seule. Mais je... Sincèrement, les autres, il faut que je les place. À la base, j'en ai plus, hein. Mais malheureusement, c'est le titre. Il faut faire un choix. Il y en a des choses. Oui, mais il y en a qui ont mis plus de chansons françaises. Oui, c'est vrai. Je sais, j'ai mal fait mon travail. J'ai une mauvaise langue. C'est inadmissible. Mais non, plus sérieusement, j'avais, quand j'ai fait mon brouillon, j'avais une trentaine de titres et je me suis dit, mais comment je vais faire pour réussir à retirer 20 artistes, et malheureusement, il y en a qui sont passés comme Eagles, qui, je pense, trop connus pour Hotel California et pas assez pour le reste. Et voilà, quoi, j'ai dû faire des choix très difficiles. Et je l'ai fait comme ça, et au final, voilà, il en est resté une seule chanson française et une seule voix féminine. Ah oui, raconte à tout le monde qu'elle est dans la playlist, c'est une torture, j'adore ça. C'est horrible, mais si vous voulez participer, c'est bien, mais c'est horrible. je connais quelque chose d'autre qui va être horrible. Mais... Parce que va falloir que tu nous expliques. Non. C'est le titre de la honte. Alors d'habitude, le titre de la honte, c'est un titre nul. Mais là, c'est pas... Non, je vais expliquer pourquoi. Alors tu vas nous dire d'abord qu'est-ce que c'est, parce que je n'assume pas du tout ce qui va passer. Attention, mettre ça dans le titre de la honte, faut vraiment l'assumer. Non, c'est pas... C'est que... Passe là, voilà. Il va falloir que t'aies les plus grosses balls du monde, même si techniquement t'en as pas. Pardon ? Merde, c'est vrai. T'aurais dû faire merde, c'est vrai. Bah merde alors, oh putain. Voilà. Alors, c'est à moitié une gruge. Je me casse. Hein. Parce que je trouve que encore une fois, on parle pas forcément beaucoup des musiques. Quand on parle des musiques préférées, on parle pas forcément beaucoup des musiques de films. Alors, en l'occurrence, j'ai réussi à placer Blues Brothers, donc je suis assez fière de moi. Mais je voulais parler des chansons, voilà, qui n'ont pas de, enfin, des musiques plutôt qui n'ont pas de chant, enfin, de vrai chant, on va dire, à l'intérieur. Et, c'est surtout parce que j'ai un mauvais réflexe qui est que pour cette musique en l'occurrence et beaucoup d'autres comme justement celle de Vladimir Kosma pour La Chèvre et même la musique de Retour vers le futur, j'ai un très mauvais réflexe, c'est que je kiffe tellement ces films que quand j'entends même quelqu'un essayer d'imiter le moins là, je me retourne de manière directe, du genre il y a quelqu'un qui est en train de regarder le film et je suis pas en train. Voilà pourquoi. Et c'est assez honteux parce que même sur mon téléphone, si tu veux, cette musique-là, je l'ai. Et quand les gens me demandent ce que j'écoute, que je leur fais écouter ça, mais en général, j'ai comme réponse, mais tu t'es cru au Far West ou... Enfin, j'ai pas envie de leur dire, mais dégage. Parce que voilà, c'est vraiment... C'est juste un film magnifique, hein, sincèrement. On peut pas dire autrement. Qu'est-ce que ça fout dans la honte ? Mais tout simplement parce que quand je dis aux gens que j'aime cette musique, ils me disent que je devrais avoir honte, tout simplement. Parce que moi j'en ai pas... Enfin, de toute façon, je peux pas... C'est juste que, si tu veux, les gens avec qui... Enfin, qui ont mon âge, eux, ils sont plus fans du dernier Transformers et ils écoutent Lady Gaga, quoi. Mais change de genre. Oui, malheureusement, même en changeant de département, c'est pareil. Malheureusement. Et voilà. Non, je sais. je n'en ai pas du tout parce que j'aime ces musiques, j'aime vraiment les musiques qu'a fait Ennio Morricone. C'est dingue ces musiques, c'est juste excellent. Mais ça apporte un truc au film qui nous plonge dedans, qui nous fait nous souvenir du film, des scènes, qui rend le truc hyper drôle. Moi, personnellement, j'entends ça, je vois direct Blondin, directement. Et je veux dire, c'est comme, si tu veux aller par là, même, je sais pas si tu veux voir de quelle musique je parle, la musique de la 7e compagnie. Tu vois laquelle? Ouais, c'est le genre de truc, quand je suis en train de bosser, que je me surprends des fois à chantonner. Et en fait, quand ça m'arrive, bah, les gens me regardent assez bizarrement. Les gens t'arrêtent assez bizarrement maintenant, les gens vont t'écouter assez voilà, bizarrement gens, aussi. Vous allez m'écouter assez bizarrement, ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai l'habitude. Mais non, voilà, c'est comme... allez, en exemple supplémentaire, j'aurais pu mettre aussi, je veux dire sincèrement, j'ai hésité à t'envoyer soit celle-là, soit le générique de The Simpsons, ou le générique de Malcolm. Parce que voilà. Non mais on touche pas au générique de Malcolm. C'est pas de la. Mais honte. Non mais c'est parce que quand les gens me demandent mais pourquoi tu chantes ça, mais parce qu'un putain de génial. Mais change de genre. Change de genre bordel. Mais malheureusement je te dis j'ai changé de genre. Mais que veux-tu? Ah là là, j'aurais dû prendre la DeLorean ou Paris dans les années 80. J'aurais été tranquille. Trouve des gens avec du goût. Ah bon, mais si tu savais, bon c'est de plus en plus rare. Il y en a peut-être qui vont écouter. Enfin, j'espère. Oui, j'espère. Venez, gens qui ont du goût, écoutez-nous s'il vous plaît. Pour les trois qui vont écouter, oui. C'est... Bon, les trois qui ont du goût, s'il vous plaît. Non, voilà, plus sérieusement, c'est pas... Moi, j'en ai pas honte, parce que sincèrement, j'adore. C'est comme, même si tu veux aller par là, je n'ai pas changé, de papy fait de la résistance. Je pense que tu vois de laquelle je parle, celle qui est chantée par Jacques Villeray. Et c'est fini pour la playlist, non vu que je suis en train de me faire arnaquer, encore passer 43 morceaux. Non, c'est juste un exemple. Non, c'est juste un exemple. C'est juste pour dire... Oui, bien sûr, c'est toujours un exemple. Et puis après... Ça, encore une fois, je connais la musique de cette chanson par cœur, quoi. C'est avec l'accent en plus. Ah, tu peux faire le « Je n'ai pas changé ». Je n'ai pas changé. Je suis oui, toujours oui. Ce cheval tranché qui était chanté. Cette femme est très bizarre. Je ne suis pas une femme. Je suis un chat. C'est papa. Oh non, merde. Il est très tard. Non mais, ouais, c'est comme si tu veux aller par là. Non, ah non, pardon, pas de placement de... pas de placement de film. C'est vrai. Tu vas pas encore nous replacer un truc. Non, j'allais dire, c'est comme... comme dans Le gendarme se marie, quand le tunis apprend à danser, ben, t'as la petite musique, enfin, je saurais pas la dire, mais quand il a son cours de danse, ça c'est pareil, j'entends ça, mais je suis folle heureuse. Encore une fois, c'est une beaucoup dégoûtante. Quand je dis aux gens que le jour où j'irai en boîte, c'est le jour où ils passeront des musiques comme ça, ben, ils disent, il n'y aura pas vraiment en boîte, hein. Oui. Enfin, je sais pas. C'est... Mais pourtant. Pourtant, j'adore. C'est des films un peu beaufs quand on y pense, mais qui pardon, c'est alors bien. Là, par contre, si tu dis que ça c'est beauf, je vais te prendre très mal. Hein. Attends, la 7ème compagnie, c'est pas non plus. Un peu de respect envers Jean Lefebvre, envers Pierre Mondi, s'il te plaît. C'est super franchouillard, j'adore. Mais c'est super franchouillard. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. J'ai glissé, chef, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Mais enfin, je veux dire. Mais c'est culte, quoi. C'est comme ça. C'est ce que j'ai appris. Toutes mes connaissances reposent là-dessus. Ah, mais regarde-moi ce cours de danse, quoi. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ah, puis ils s'y mettent à deux pour l'aider. Et... Ah, ouais, non, mais c'est magnifique, quoi. Puis avec les deux glandus, là, qui essaient d'arrêter. Qu'il a tellement honte d'être vieux en train d'avoir un cours de danse. C'est magnifique. Enfin, de toute façon, Louis de Funès, c'est pareil. Il danse jusqu'à être malade, jusqu'à... Ah ouais, non, mais c'est magnifique, quoi. Je veux dire, Louis de Funès, Clint Eastwood, Pierre Mondi, enfin, pour moi, c'est des dieux, quoi, ces mecs-là. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Je pense que vous avez tous compris qu'elle a un pet au casque, mais elle n'est pas la seule. Moi aussi. Non, mais enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent regarder et ça sans avoir la scène en tête, mais ils sont chantonnés et bouger en même temps. Quoi, c'est... Puis en plus, c'est chantonné aussi qui reste bien dans le crâne, ça. C'est pas mal. Et puis bon sang, ça rend hommage à l'outil aussi, ça c'est bien. Ça restera un des acteurs immortels, je pense. Ah bah c'est... Enfin, personnellement, mais ça fait vraiment partie, c'est juste énorme, quoi. C'est comme... Enfin, c'est comme tout... Enfin, tu vois, les films, effectivement, peut-être qu'on catégoriserait de franchouillard, mais du genre... justement, les fantômes, du genre les bronzés font du ski, mais bon, on sent que c'est drôle, quoi. Ah, t'es pas bien, t'as envie de te marrer, tu regardes ça, mais ça va mieux, après, c'est... Sincèrement, enfin, sur moi, ça marche mieux qu'une dose de morphine sur certains de mes patients, quoi. c'est juste, c'est génial, puis tu te dis, voilà, quoi, c'est... En plus, Loutine, c'est quand même un mec qui a bien galéré au début. C'est un mec qui était hyper exigeant dans ce qu'il faisait, mais tu dis, putain, le rendu 50 ans après, quoi. Quand tu vois un petit peu comment les films comme La Grande Vadrouille ont aidé, c'est génial, c'est juste génial. Il n'y a pas d'hélice, hélas. Ah ouais. Non, mais attends, fais gaffe, parce que sinon, là, si tu lances dessus, mais on n'en finit plus. Ah, mais c'est une grosse production en you plus. Are... Where is Billy Moustache? Billy Moustache? But if I don't know, you don't know. Hein? Ah non, mais c'est parfait. Puis les deux. But alors you are French? Comment ça merde alors? But you are French? Ah, you're not English? Ah non, mais... qui ils sont habillés en... Mais ils sont pas habillés. En costume allemand, l'un au-dessus de l'autre, et puis l'autre pour lui parler, il tape sur le casque. Toc, toc, toc. C'est oui. Con, c'est débile, je sais pas, c'est formidable. Ah, mais c'est parfait, quoi. C'est juste génial. Grosse production, en plus, mine de rien. Ah, mais c'est... Et puis en plus, surtout 17 millions d'entrées, hein. C'est pas n'importe quoi, énorme, hein. Pour un film qui est sorti le 1er décembre 66, c'est juste... Oui, je suis addict à ces vieux films, hein, désolé. C'est juste énorme, quoi. Et c'est le premier film, si je ne me trompe pas, c'est le premier film qui tourne la guerre, on va dire, un petit peu de manière comique, à avoir été diffusé en Allemagne. C'est le premier film. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, je crois savoir ça. Et on se dit, mais c'est quand même dingue, quoi. On se dit, les gens ont quand même commencé à un peu se moquer et à réussir à rire grâce à des génies dans son genre, quoi. Et ça, c'est bien. Stanislas Lefort. Ah oui, et Augustin Boulay. Ah bah, c'était très bon. Augustin Boulay, peinture et ravalement. Ah non, mais puis, bah, si tu veux aller par là, on se refait toutes les rétines du film, ça ne pose aucun problème. Vous aimez bien on tout ce qui est bon, barré. C'est très mauvais. On fera une playlist réplique de films un jour. Ouais. J'ai beaucoup trop de séries à faire. Bah, tu m'invites? Je vais t'obliger. Oh, c'est pas lourd, hein. C'est dommage. Il faut que je me note ces idées, sinon je vais les perdre. Oh, je te le rappellerai, bon. T'inquiète pas. Bon, bah, ta playlist est finie, ça y est. On va dire. Alors, que ça c'était y est. Vraiment si difficile que ça. Ah oh, oui. Bah tu vois, j'ai même dû gruger. Un petit peu gruger, juste un petit peu. Juste un petit peu, parce que quand tu regardes, je m'y suis quand même tenue en disant. Même si je me suis un petit peu servi du titre de la ronde pour placer toutes les musiques qui ont rapport avec le cinéma. Mais oui, voilà. C'est oui, donc, ouais. Pas très grave, étant donné que les gens me disent que je devrais avoir honte. C'est tout. Alors, aux prochains invités, ne faites pas comme elle. Donnez-vous à 10 titres et parlez un peu des titres, quoi. J'ai parlé des titres. J'ai juste parlé d'autres titres aussi. Oui, voilà. Non, mais bon, ouais. Donc bref, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet, si tu veux qu'on te retrouve sur Internet? Un compte Twitter, tout ça? Bah oui, Twitter, effectivement. Alors comment que ça s'écrit, Anasklelut? Anasklepios. Anasklepios, c'est pas très compliqué. C'est @, Anna comme A2NA. Et Asclepios, comme Asclepios, justement, le dieu grec avec lequel tu as confondu le fait que je sois apparemment de la jante féminine avec la jante masculine, qui s'écrit donc... Eh bien, Yos, Os, pour moi, c'est un dieu, donc c'est un, et, c'est mais un mec. Effectivement, tu as parfaitement raison, c'était le dieu de la santé ou de la médecine, il me semble. Et c'est pour ça que je suis aussi appelée Ivy, en rapport à la déesse de l'hygiène, qui est un petit peu la déesse grecque des infirmières, étant donné que c'est la déesse grecque de la santé, de la prévention, etc. Voilà. Elle est pas du tout mégalo, hein. Mais non, mais fallait bien que je trouve une démarcation. Si tu veux aller par là, je peux te dire que surtout sur Twitch, sur Xbox en général, je m'appelle Katana. C'est juste parce que j'adore les chats, donc voilà, j'ai voulu mettre Anna dedans. C'est pas mon prénom au passage, mais non, c'est pas grave. C'est... Donc, Anne Sclépios sur Twitter. Voilà, A-N-A-S-C-L-E-P-I-O-S, tout simplement. Est-ce que tu as autre chose à mettre en avant? Je sais pas, un blog sur les musiques où on te dit que en fait, t'es trop nul ou... Tout de suite. Alors, en fait, pas pour l'instant, mais j'ai pas mal d'idées en tête et je sens que je vais pas tarder à débarquer de manière plus imposante sur l'internet. Je ne sais pas encore quand, parce que je suis assez chargée au niveau de... Je ne sais pas encore quoi, parce que c'est pareil, j'ai pas mal d'idées qui me viennent en tête. Mais je sens que ça arrivera. Et malheureusement, tu pourras pas nous le dire dans la playlist, vu que tu es déjà passé dans la playlist une fois, tu ne peux pas le faire une deuxième fois. Quel dommage, c'est Est-ce que tu pourrais faire un petit montage pour dire... Non, mais de toute façon, je dis ça, mais étant donné que je suis un peu surchargée en ce moment, ça va pas forcément aller en salle des gens. Ce sera pas pour tout de suite, mais je suis quand même pas mal d'idées en tête. Tu auras des hors-séries dans le futur, donc je pense que tu reviendras. Voilà, c'est ça, je ferai ma pub dans les hors-séries. Bon, sinon, quant à nous, là, vous pouvez retrouver la playlist de Anna Sclépios, je l'ai bien dit là, sur Spotify, dans le billet de l'émission. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @la_playlist. Sur le site aussi, alors, c'était quoi le site, en fait, je sais plus. De toute façon, si vous nous écoutez, c'est déjà bien parti. Je vais retrouver ça. Mais ce que je l'ai Et dit, la playlist, c'est bien. C'est la-playlist.podcloud.fr. Voilà. Oui, la playlist, c'est bien, mais c'est que tu peux pas être objectif vu que t'es déjà passé. Ah, mince alors. Les mecs, venez. J'en ai marre des meufs. C'est insupportable. Ils gruchent toutes. C'est horrible. Non, je ne gruche pas. Je fais juste en sorte de pouvoir arriver oui, à mes voilà, fins. Voilà. C'est comme une infirmière qui va donner un grand claque pour pouvoir piquer à côté, bah c'est pareil, sauf que là il y a 20 000 claques pour... Non, tu sais que maintenant on utilise du néopas s'il faut anesthésier. La grande claque, ça c'est réservé à Christian Clavé dans les bons fonds du ski. Hein. Enfin... Je suis nul en infirmière, je suis désolé. Je te pardonne. Merci. Donc si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à barberousse@gmail.com, barberousse@gmail.com. Et maintenant, on va se quitter avec un titre libre de droit qui est... Est-ce que tu te souviens quel était ton titre libre de droit? Oulalalala. D'accord, donc c'est Back to Start de Kolida. C'est un petit truc sympathique, je pense. Encore un peu plus guitare, mais oui, beaucoup plus guitare. Très très doux. Bah, on va se dire... Bah non, faut que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi d'ailleurs. J'ai fait un petit tour des musiques qui étaient dans ce que tu m'as proposé. Et étant donné qu'il y avait pas mal de trucs beaucoup plus forts, mais dans le sens hard, c'est ce que j'ai trouvé encore qui se rapprochait le plus, mais ça fait un peu plus peut-être un peu plus rock dans le sens où... On l'entend habituellement. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre celle-là. C'est celle qui me plaisait le plus de tous. Voilà, voilà. C'est vrai qu'elle bouge un peu plus, ouais. Ouais, voilà. Elle est plus rock comme on l'entend habituellement. Mais elle n'est pas non plus à gueuler à Rammstein, quoi. Tu vois, c'est pas non plus la musique de mes frères. Faut pas exagérer, hein. Chacun a ses limites. Et voilà, j'ai. Voilà pourquoi. Donc ce sera ton cadeau final. On va dire ça. Bon, bah moi je vous dis à la prochaine fois, je sais pas trop quand. Normalement, c'est un épisode tous les mois, si tout va bien. Mais moi, je vous dis au prochain hors-série. Sur Simon et Garfunkel, bien évidemment. Alors, peut-être pas tout de suite. Je crois qu'il y a un lobby qui est en train de se mettre en place, mais on va attendre un peu quand même. Hein. Dommage. J'ai quand même des gros doutes. Et juste avant de terminer, je vais essayer de lancer un nouveau truc. Est-ce que tu connais bien, tu connais Sting? Bon, Sting, oui, tu connais. C'est, Englishman in New York. Oui, je connais. Alors, dans Englishman in New York, il y a un son bizarre. Effectivement, je suis d'accord avec justement la musique du... Alors, la grande question, ça va être le whoop. À quoi ça te fait penser? En fait, je suis assez d'accord avec la musique du MN. Ça fait assez goutte d'eau quand même. Ça. C'est-à-dire? Ça fait maman le petit peu. Mais c'est vrai, ça fait. Ça. C'est un convoi. Mais c'est très particulier comme goût. Musica a parlé d'essuie-glace. Ouais, mais c'est. Toi, tu ne parles de goutte d'eau. Mais ça fait. Oui, une petite sorte de. C'est un peu dans les, du genre, dans les dessins animés justement quand ils veulent te représenter une goutte d'eau qui tombe vraiment tout seul et te mettre plus loin un petit peu. Bon bah ce sera le mot final. Voilà. Le whoop, c'est une goutte d'eau. Non mais parce merci que je dois avouer que c'est une question assez difficile et ça peut faire penser à plein de choses. Mais c'est ta réponse voilà. Et je la respecte. Merci.